Amen. Bwana Mungu ambariki. Nous remercions encore le bon Dieu. Tuampiki akisante tena Mungu mwema. Qui nous a accordé le souffle de vie. Mwenye atupatia tena mpumzi ya uzima. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Kulala na kulamuka aina tuzoezo. C'est aussi une grâce. Nayo ni neema. C'est une faveur imméritée. Ni musada wala bahati ya tustahili. Que le Seigneur bénisse tous. Bwana Mungu ambariki nyote. Je vous invite à vous lever. Ne me alika mpato shimamu. Ni nani aliumba mbingu na dunia? Yesu ndiye. Yesu Bwana Mungu. Ni nani aliumba yote tunaona? Yesu ndiye. Kweli kweli ni nani ule? Yesu ni nani? Uwezo Yesu ni nani ule? Yesu ni nani? Uwezo Yesu alitembea pamoja. Nous prenons depuis le verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins voilà vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici. Envoie-moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur du ciel et de la terre, l'univers des visibles et des invisibles, les lys des vallées, la voie de Charon, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, encore une fois nous te disons sincèrement merci du fond de cœur. Seigneur, si nous ne disons pas merci, ça sera ingrat de notre part pour les grandes et merveilleuses choses que tu as accomplies à notre faveur. Nous nous sentons trop petits devant ces grandes choses. Voilà pourquoi nous te disons sincèrement merci. Il n'y a pas assez de mots en français, en swahili, dans n'importe quelle langue pour exprimer bien ta grandeur. S'il y en avait, Seigneur, on allait les employer. Mais nous comprenons que nous sommes pauvres dans les langages. C'est pourquoi nous disons merci, Seigneur. Bénis chacun de nous. Bénis ta parole. Guéris les malades. Ramène les rétrogrades. Purifie nos péchés, Seigneur. Commence avec nous et termine avec nous. Que la bénédiction qui accompagne cette parole soit sur tout un chacun de nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur ce sujet dans sa présence. Oui, mes frères, dans sa présence, il se passe de grandes choses. Dans sa présence, la maladie se change en guérison. Dans sa présence, le problème se change en solution. Dans sa présence, même les morts ressuscitent. Dans sa présence, les aveugles recouvrent la vue. Dans sa présence, les pécheurs sont sauvés. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé à parler hier d'Esaïe le prophète. Et sur ça, on voulait montrer au peuple de Dieu comment s'approcher de Dieu en sa présence. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons montré au peuple de Dieu que nous devons nous approcher de sa présence afin que de la révérence, oui, puisque Dieu est Sababu, Dieu, Mungu, il mérite du respect. Na anastahili kuheshimiwa. Et il réclame ce respect. Na eko na dai ile heshima. Pour lui juu yake. Et pour ses serviteurs. Na juu ya batumishi yake. Oui, mes frères et sœurs. Ndio ndugu na dada. Nous avons vu hier. Jana tuliona. Qu'il nous faut du respect dans sa présence. Tunapaswa kuwa na heshima mwepo yake. Mais nous avons lu une citation avec vous là où nous sommes arrêtés. Pale tukishimamia tusoma msemo mmoja ndugu bwana. Là où le prophète dit. Pale nabii anasema. Aujourd'hui les gens n'honorent pas Dieu. Leo bantu abeshime Mungu. Ils n'ont pas du respect envers Dieu. Na heshima kwa Mungu. Les gens respectent leur chef au travail. Mukazi watu wanaheshima wakubwa wao kazi. Ils emploient des langages respectueux envers Beko leur chef. Na misemo ya heshima sana njoo kwa directeur yabo. Mais devant Dieu. Mais lakini kama nafika mbele ya Mungu. Parfois il y a des langages de légèreté. Sasa zingine kwa kwa misemo wa ovyo. Mes frères et sœurs. Banduku yangu na badada yangu. Dieu parce qu'il est Dieu. Mungu sababu yeye ni Mungu. Il mérite du respect. Na anastahili kumheshimia. Même quand vous priez Dieu. Hata wakati unamuomba Mungu. Vous devez parler avec le langage du respect. Na misemo ya heshima. Vous devez vous adresser avec du respect. Kwanza kumwambia na heshima. Notre Dieu est souverain. Mungu wetu ni mkubwa. Il fait ce qu'il veut. Na anafanya kile anataka. Autant qu'il veut. Wakati ile anataka. Qui il veut. Vous pouvez prier Dieu. Il y a un cas. Vous demandez à Dieu de guérir quelqu'un. S'il veut le prendre. Qui va exiger Dieu? Il est Dieu. Il est souverain. Nous le supplions. Dans sa présence. On le supplie. Dans sa présence, il faut les supplier. Parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Personne ne peut dire toi Dieu. Toi Dieu. Si tu ne le fais pas, tu dois le faire. Quand vous vous adressez à vos chefs au travail, wakati unasumbulia la chefu yako mkazi, vous parlez avec beaucoup de respect. Unasema na heshima mingi. Wakati unanjika taka kulomba kazi, unalomba kazi na mandiko ya heshima. Unaanzia kumbele kumsifu ule kunambia. Je viens auprès de votre personnalité. Wako wewe mwenye kwa mtu mkubwa kabisa. Hata Mungu. Quand vous voulez prier, kama unafia kumuomba. Vous devez montrer sa grandeur. Unapaswa kumuoneka kama mwenye wako unapaswa kumsifu. Vous devez manifester, montrer combien il est grand. Namna mara ngapi ni mkubwa. Il ne partage jamais sa gloire avec une autre personne. Vous devez montrer combien il est grand. Vous devez montrer même ce qu'il a fait pour vous. Et manifester du respect à son égard. et envers ses serviteurs. Au point que les gens n'honorent pas Dieu. Ils sont en sécurité. Tout ce qu'il fait. Les gens n'ont pas du respect envers Dieu. Et le prophète a dit. Pourquoi cela? Dieu a nini il est. Parce qu'ils ne sont pas conscients de sa présence. Les frères vivent n'importe comment. Les sœurs vivent n'importe comment. Il peut mentir. Il peut voler. Il peut tricher. Il peut commettre adultère. Parce qu'il n'est pas conscient qu'il est dans la présence de Dieu. Et il y a des frères qui pensent que c'est parce qu'il est tellement au sein de l'église qu'il est dans la présence de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais encore vous rappeler une chose. Qui est? Il n'y a pas une église sainte. C'est le Dieu saint dans l'église qui amène la sainteté. C'est la même chose. Il n'y a pas un prédicateur saint. C'est le Dieu saint dans le prédicateur qui amène la sainteté. Il n'y a pas une sœur sainte. C'est le Dieu saint dans la sœur qui amène la sainteté. Il n'y a pas un frère saint. C'est le Dieu saint dans le frère qui amène la sainteté. C'est pourquoi en ces lieux que nous venons, nous disons que nous sommes en sa présence, c'est parce que le Dieu saint est descendu à ces lieux. Comme le Dieu saint est descendu, nous disons que nous sommes dans sa présence. Maintenant, nous devons prendre garde à ce que nous faisons dans sa présence. Le respect en sa présence. Il y a même des sœurs. On peut l'appeler. Il y a une grande personne qui arrive, un visiteur. On dit, cède un peu ta place. C'est un problème. Nous sommes des frères. Pourquoi moi je suis venu avant? Nous devons montrer du respect. Du respect dans sa présence. Vous savez, je me souviens, on avait étudié un peu sur cette histoire-là du respect. On nous avait dit qu'il y a ce qu'on appelle le respect hiérarchique d'abord au boulot. Le respect qui commence du sommet à la base. Il y a aussi le respect hiérarchique qui commence de la base au sommet. Et on nous avait aussi parlé du respect mutuel. C'est le respect qui existe entre collègues de même grade. Mais vous devez vous respecter. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Mais il faut du respect. Tous n'ont pas la même âge. Il y a des parents. Il y a des grands. Il y a des petits. Il faut du respect. Être frère n'est pas synonyme de manquer du respect à votre frère. Ce n'est pas ça. Dieu, Mungu, parce qu'il est Dieu, ni Mungu, il exige du respect. Il mérite du respect. Anastaili le heshima. Et il le demande pour lui. Na le yomba kwanza il le réclame pour lui. Kwake et pour ses serviteurs. Na ça c'est correct. Il est la vérité. Ni nous devons nous approcher tuna de Dieu Mungu, avec du respect. Na heshima. De la révérence. C'est un respect qui est un peu élevé. Ces gens-là, les séraphins, dans sa présence, couvraient leur face sans péché, et qui n'ont jamais goûté le péché, qui n'ont jamais vu le péché, qui n'ont jamais vu le mal, mais dans sa présence, ils couvraient leur face sans péché pour rester dans sa présence. Ils couvraient leur face sans péché. Ils ne voulaient pas le voir. Les dieux trois fois saints, même les saints anges, ils n'ont jamais commis de péché, ils n'ont jamais goûté au mal, ils n'ont jamais vu le mal. Dans sa présence, ils couvraient les faces sans péché. Ils ne voulaient pas le voir, parce que les dieux saints, très saints. Et les autres ailes, non, ils couvraient les pieds. C'était un signe d'humilité. Bien-aimé, Wapendo. Aujourd'hui, Léo. Beaucoup de frères, Banduku Bamingi. L'orgueil Kiburi. Ne laisse pas quelqu'un Akiachake mutu. Parce qu'il est prédicateur. L'orgueil Kiburi. Ne va pas te laisser parce que tu chantes à la chorale. Aita kimbia, sema jure parce que tu pries beaucoup. Frère Banam, quand il parle de l'orgueil, il dit l'orgueil, c'est une chose maudite. Anasema, si vous avez l'orgueil, kama on a Kiburi, vous avez quelque chose qui est maudit. Una kitu kia kulaaniwa. Maudit dans vous. L'orgueil. Kiburi. Il y a des frères qui sont orgueilleux. Ba Kiburi. Dans l'église. Mukanisa. Il a même l'orgueil au sein de l'église. Ena Kiburi, nandani ya kanisa. Parce qu'il est directeur. Directa, parce qu'il est chef. Il fait que même dans l'église. Ena penda na mukanisa, on reconnaît son grade. Banze kutambua ile bushef il fait que même dans l'église. Ena penda mukanisa, on montre combien il est important. Banze kumonekanisa vile ni wa mafu. Bien aimé. Dans sa présence. Yaki, nous sommes tous les enfants de Dieu. Batoto ya Mungu. Dans l'église. Mukanisa, il n'y a pas de race sociale. Hakuna kimo ya ki, ya kuishi, ne choisissez pas les gens. Dans la présence de Dieu, ya Mungu, il n'y a que des frères et des sœurs. Nous badada, sommes tous les enfants de Dieu. Batoto ya Mungu. Il n'y a pas de race sociale. Hakuna kimo ya maisha. Oh, ces frères étaient un peu élevés. Unduku, oh, non, tous nous sommes les enfants de Dieu. Batoto ya Mungu. Ne cherche pas à être important même dans sa présence. Frère Branham, dans sa prédication, j'aimerais beaucoup attirer votre attention. C'est pourquoi nous avons des frères. Il est honoré. Il est chef. Il est dirigeant. Il est honoré. Mais Dieu ne l'utilise pas. Pourquoi? Quand il vient dans sa présence, il vient montrer son importance. Il vient montrer sa grandeur. Il y a même des frères tellement orgueilleux qu'il est, même pour saluer son frère. Il choisit les gens qui doivent bien saluer. Les autres, c'est un. Il est tellement orgueilleux. Il y a même des sœurs. À cause de l'orgueil. Elles choisissent les gens de leur catégorie. Pour marcher avec. Elles marchent dans leur catégorie. Elles se choisissent. C'est dans leur catégorie. Ici, il n'y a pas de catégorie. Même nous, les hommes de Dieu, on ne peut pas choisir les gens selon leur catégorie. On ne peut pas visiter quelqu'un parce qu'il a des moyens. Ou bien parce qu'il est un peu élevé. Non! Tous les hommes sont précieux devant Dieu. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est la vérité. Elle s'est choisie selon la catégorie. Ça, c'est l'orgueil. Il y a même des gens dans leur prière. Ils sont orgueilleux. Il veut montrer combien il est important même dans la prière. Il veut dire à Dieu, on est des similiers. Vous voyez, la Bible dit dans Proverbe, quand vient l'orgueil, c'est aussi l'ignominie. Aïe, n'aïe pas ta moukou. Quand on a un monde qui commence à l'orgueil, il y a un homme qui commence à l'orgueil derrière. Un orgueilleux, il finit toujours mal. Frère, l'orgueil ne t'amènera nulle part. Soyez humble. Nous avons des gens. Frère, quand quelqu'un, il y a des gens, il n'a même pas rien, il n'a rien. Kubantu, anatana kintu. Ce sont des gens, quand ils veulent avoir un peu quelque chose, ils deviennent orgueilleux. Mais les gens qui ont beaucoup d'argent, tu vas pas être des millionnaires. Mais très simple. Mais quelqu'un est parvenu qui veut un peu avoir un peu de choses. Même pour parler avec son frère, dans le langage qu'il sort, parler avec son frère, son frère se demande, mais ce frère, c'est un frère ou c'est un païen? La façon, le langage qui sort de sa bouche, le langage orgueilleux. Tous ces jours ici, il recevait bien les gens chez lui. Mais quand il commence un peu à avoir un peu d'argent, même recevoir les gens chez lui, ça devient un problème. Ou bien, c'est Michel Koulala. A dit que je dors. Mutoto wa Mungu. Un enfant Chini de Mungu anakuvisiter. N'est-ce pas c'est Dieu qui t'a visité? Mutoto wa Mungu kwako. Un enfant de Dieu chez Chini toi. Chini Mungu anakuvisiter. N'est-ce pas Dieu qui t'a visité? Kwambia misha kuona lala munyumba. Dieu que moi je dors. Mutoto wa Mungu kwa inji. Tu dors l'enfant de Dieu dehors. Bengine. Il y a les autres. Kiburi. À cause de la bichiliake. Il a ses propres fautes. Anabichungia wale banajua bayulu. Il garde à ses frères de son nom. Kama nona dada mwana kuya kwa mapapa. Avec na manzaga kumikulu. Avec un peu de vertu. Anapataka kiti ka inje papa yote. Il dort une chaise dehors au payote. Jo ananda kufuatia pala musumburishi. Il va aller suivre la sœur dehors. Dehors. Elle craint d'abîmer ses fauteuils. Honte à toi. Lorsqu'elle voit que la sœur ici est démorante, entrez, approchez au salon. Un enfant de Dieu. N'est-ce pas Dieu vous voit? Ce que tu fais, Dieu te voit. Puis on a fait, il y a un bon rapport. La Bible dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Il observe. Elle est bonne, elle est mauvaise. Ce que les gens font, ils pensent que Dieu ne les voit pas. Tout cet orgueil que tu as fait. Il est qui vous fait parler. Tu es dans sa maison. Il y a même des sœurs qui sont orgueilleuses. Il y a même des pauvres orgueilleux. Il y a même des pauvres Mashikini mwa kiburi be kwako. Un pauvre orgueil. Mashikini wa kiburi. Un pauvre. Mashikini. Lakini a kiburi. Tu peux trouver quelqu'un. Dans ta mutu. Il n'a rien. Ana na kintu. Peut-être excusez-moi le terme. C'est estropié. Dagi sayine no akilema. A chaque kala pa pankinga. Mukankinga. Quelqu'un passe avec la voiture de quelqu'un. Tu as pris ta Je te mets au Ça c'est ça les vêtements. Mais comme la fille a couvert mon tocard. Je te mets au tocard ta bouche. Je ne vais pas payer ces gens. Anna t'as na 10 000 dollars. Anna t'as 1 000 dollars là. N'a même pas. C'était orgueil mais pauvre. Wakiburi mais machikini. Pauvre mais orgueil. Machikini wakiburi. Tu m'as nyuma ta bouche à fil. De telles maisons sales. Mais je ne peux pas construire une maison. C'était orgueil mais pauvre. Wakiburi mais machikini. Je ne vais pas les bouches à faire. C'est pourquoi ne vous y trompez pas. Wa Mungu. Wa Mungu. C'est lui qui est de Dieu. C'est celui qui croit en lui. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est la vérité. Il y a des pauvres orgueils. Et on est dans la colombe. Il est en train de faire. Mais on a l'homme en orgueil. Mais il demande avec orgueil. Bon, mais il y a quoi, tout, il partit. Comment on a fait la cause. Mais si tu manques pas, pourquoi tu es venu? Rentre chez toi, si tu n'as pas tu en as. Aïna, toi, c'est mina cosa. Ça, pour dire que tu n'as pas. Mais je voulais m'aider un peu. Choulombe, tu n'as pas. Demande seulement, tu n'as rien. Même quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il peut pas orgueil. Un orgueil mais pauvre. Un orgueil pauvre. Un orgueil pauvre. Machikini mais pauvre. Un pauvre orgueil. Mais orgueil frère. Mongari. Même dans l'église de Dieu. Attends qu'arrive ça mon. Il y a l'orgueil. Mo kiburi. Même à la chorale. Na quoi? Parce qu'elle a une belle voix. Elle, c'est la finale. Si moi je chante pas, ça ne va pas bien sonner. Si moi je joue pas au kida, ça ne va pas bien sonner. Tu es un orgueilleux. Même si tu n'es pas là, l'œuvre de Dieu continuera. La Bible dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains du Seigneur lui-même. Il va susciter même les pierres qui viendront l'adorer. Parce qu'il commence à son orgueil envers son conducteur. Demain, moi, je ne joue pas. Arrête. Dieu va susciter les gens qui vont jouer aux instruments. Toi, tu penses que si toi, tu n'es pas là, et l'église de Dieu ne peut pas avancer. L'œuvre de Dieu n'avancera pas. Il te trompe. C'est l'orgueil. Il est Nikiburi. Un orgueil. Il n'écoute même pas les conseils. C'est lui qui résiste à la parole. Et on a kangala, même dans vos maisons. Parfois, s'il y a des querelles, c'est à cause de l'orgueil. Si vous suivez bien, même vous qui gérez les problèmes de couple, observez bien. Vous allez voir s'il y a une querelle dans la maison. Soit la sœur est orgueilleuse, soit le frère est orgueilleux. L'orgueil kiburi site de querelle qui ne crame pour la mouche à ma cocotano. Il veut pas seulement s'humilier. A chipende tu kushuka. Il veut monter. Et la peine pas kupanda. Il veut aussi être. Il veut monter. N'a peine à kupanda. C'est qui de querelle. L'orgueil est de querelle. Kiburi qui a l'état ma cocotano. Duku. Quand vient l'orgueil. Quand quand kiburi vient à kuya. Il faut beaucoup prier mon frère. N'a fait comba ça. Il faut beaucoup prier ma sœur. N'a fait comba ça d'ailleurs. Que tu sois humble dans sa présence. Comme nyenyekevu mopi ya Mungu. Et frère Bana me dit. Non seulement dans une église. Aina paka makutano. Non seulement à l'église. Aina paka makutano. Même si vous êtes au champ. Ataka mon machamba. Même si vous êtes chez vous à la maison. Ataka mon kwa kunyumba. Même si vous êtes dans votre boutique. Ataka mon boutique yako. Vous êtes dans la Et vous devez faire attention à ce que tu fais. Et vous devez être conscient de sa présence. Frère Branham, dans cette prédication, il dit quoi au paragraphe 74 au milieu là-bas. Il dit ainsi, vous ne pécherez pas. Vous ne pécherez pas. Quand vous vous rendez compte que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Ma soeur, Dad, mon frère, sache que même si tu es à l'école, tu es dans la présence de Dieu. Même si tu es chez toi, dans votre chambre, vérifiez ce que vous parlez. Parce que vous êtes en sa présence. Même quand tu vas commettre adultère là où tu vas te déshabiller, tu es dans sa présence. Là où tu vas boire en cachette, tu te caches. Que le frère ne voie pas. Mais il y a une œil qui te regarde. Tu es dans sa présence. Le Seigneur te voit. Maintenant, si vous vous rendez compte, chacun de nous, chaque frère, chaque sœur, s'il se rend compte qu'il est constamment dans la présence de Dieu, il va surveiller même ses paroles. Il va surveiller son comportement. Parce qu'il sait qu'il est dans sa présence. Si tu es à l'école, tu sais que tu es dans sa présence. Si tu es chez tes amis, avec ton téléphone, una téléphone yako, en train de regarder des films pornographiques, sachez que tu es dans sa présence. Tout ce que tu fais là, les films que tu fais passer pornographiques là, tu le fais passer dans sa présence. Tu es dans sa présence. La manière dont tu as vécu aujourd'hui. Tu as vécu dans sa présence. C'est-à-dire, il te regarde. Il te voit. Ainsi, vous ne pécherez point. Quand vous vous rendez compte que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Quand vous vous rendez compte que Dieu est là. Mes frères, mes sœurs, chaque jour quand tu marches, même si tu es à bord de la voiture, même si tu es dans un taxi, même si tu es je ne sais pas où, tu dois savoir que Dieu est là. Si tu sais ça, on a joué ville, tu vas surveiller ton comportement. Tu vas surveiller ton caractère. Parce que tu sais que je suis dans sa présence. Chacun de nous, chaque frère, si tu vas commettre adultère, tu vas te déshabiller. C'est parce que tu ne te rends pas compte que tu es dans la présence de Dieu. Si tu vas voler, commettre adultère, c'est parce que tu ne te rends pas compte que Dieu te voit dans sa présence. Maintenant, soyez conscient de sa présence. Ce n'est pas seulement dans l'église. Il y a des gens qui sont comme des catholiques, qui sont comme des méthodistes, qui sont comme des dénominationnels. Pour elles, la présence de Dieu, c'est seulement dans l'église. Non! Où que vous soyez, même à l'école, même à l'université, même en classe, même au champ, même au marché, vous êtes dans sa présence. Soyez conscient de ça chaque jour. Et si tu es conscient que je suis dans ta présence, tu vois Tabia yako. Hein? Ça c'est l'évangile du royaume. Ça c'est la vérité. Maintenant il dit, Anasim, si vous vous rendez compte que Dieu est là, kama qu'il est là, quand tu veux parler, tu es conscient unajua que là où je vais parler là, Dieu est là. Il y a des frères, parce qu'il ne se rend pas compte que Dieu est là. Dans son langage, il a devant ses frères, il a seulement un langage de supériorité. Ah, il veut se montrer qu'il est grand, qu'il est au-dessus. Il n'a pas un langage courtois. Il veut se montrer grand. Il veut se montrer toujours élevé. Non! Humiliez-vous à sa présence. Qu'elle veut même présenter aux autres. sono petit, hein. Ce sont nos enfants. Pour lui, il est toujours grand. Il veut montrer combien il est grand. Frère, c'est lui qui se croit être quelque chose. Il n'est rien. Il veut montrer combien lui est important. Combien lui a crié il y a longtemps. Combien il est un bon chrétien plus que les autres. Ça, c'est faux. C'est l'orgueil. Et dans sa présence, il faut nous approcher avec de l'humilité. Et l'orgueil ne va pas te laisser passer du chant bien. C'est un démon qui poursuit tout le monde. Même le prédicateur. Il y a aussi des prédicateurs orgueils. Il y a des prédicateurs orgueils. C'est un démon qui pourchasse tout le monde. Il y a des prédicateurs orgueils. Il faut prier. Maintenant, il dit. Si vous vous rendez compte que Dieu est là, vous surveillez ce que vous dites. Tu vas savoir qu'est-ce que je veux. Maintenant, il dit. Quand un homme pense que Dieu est là, que Dieu n'est pas là. Parce que la sœur, quand elle vit, elle dit, bon, papa, tu n'as pas de Dieu dans la présence de Dieu. Il sait que Dieu n'est pas là. Attends, ça coule pas bien bon. Attends, ça coule en bas. Mentir. Attends, ça coule fouta. Il peut même fumer. Attends, ça coule noir. Il peut même boire. Attends, ça coule en bas. Il peut mentir. Parce que là, c'est Mungwanap. Il sait que Dieu n'est pas là. Mais comme on a dit, Dieu est là. Tu te rends compte de la présence de Dieu. Tu vas surveiller tes paroles. Attends, ça coule en bas. Il va jurer. T'as là pas. Il sait que Dieu n'est pas là. Ah, c'est Mungu pas là. Il va convoiter les femmes. Ah, il va faire. Tafanya. Il va voler. Iba. Tricher. Ibia. Mentir. Ulanda. Il va faire n'importe quoi. Bitu biotu bia ovyo. Quand il pense que Dieu ne voit pas. Mais amenez-le dans la présence de Dieu. Mopi ya Mungu. Il cessera immédiatement cela. Atacha paka pale bile biote. Nous avons des frères qui n'ont jamais entré dans la présence de Dieu. Il y a même des prédicateurs qui n'ont jamais entré dans la présence de Dieu. Qui prêchent par onction. Et on a oublié tout quoi, mafuta, tout opaku. Après prêcher, anaubiri. Après avoir prêché, Jagubiri. Il fait n'importe quoi. Et parce que lui-même n'a jamais rencontré Dieu dans sa présence. Mais l'homme fera n'importe quoi quand il pense que Dieu n'est pas prêt. Mais quand il se rend compte que Dieu est prêt, attitude yaoule mungu tabadirika. Son attitude changera. Sa façon langage changera. Sa manière de vivre changera. Quand on se voit même, regardez même la façon de faire. Cela se voit. Allez dans des maisons. Où les enfants, peut-être le papa dit, il faut penser à parler français. Qu'est-ce que les enfants font? Ils peuvent être en train de jouer. Est-ce que vous avez un parle en swahili. Tu vas entendre peut-être au milieu de quelqu'un. Qui quand il voit papa, dit, tu parles en swahili. Papa est là. Papa est où? Hein? C'est-à-dire la présence de papa. Il ne faut pas parler en swahili. Vous comprenez un peu? Non. Nous devons être conscients de sa présence. Soyez conscients de sa présence. Pas savoir que Dieu est là. C'est mon Dieu qui est là. Et nous faut nous approcher de lui. Afin que du respect, Naishima, de la révérence Naishima, et de l'humilité, Naonyekev. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Il n'y a pas que les riches qui sont orgueilleux. Il y a des pauvres aussi orgueilleux. Un pauvre mais orgueilleux. Je vous ai dit ça. C'est pourquoi Paul, quand il écrit à Timothée, dans Timothée 6, Timothée 6 il dit, dites aux riches du présent siècle, ambia bataji ba, ba, de ne pas être orgueilleux. Kiburi. Ceux qui ont un peu d'argent, ba, ne sois pas orgueilleux. Soyez courtois. Mutua, soyez simple. Kwa frère, Nuku. Même quand quelqu'un trouve l'argent, attends, mutua, pas sans Dieu, bila mung. Ça peut l'embrouiller. L'argent sans Dieu vous conduit à l'orgueil. Même les dons sans Dieu, sans le Saint-Esprit, ça vous conduit à l'orgueil. un enfant de Dieu. Akim toto amu. Tu crois? Amen. Réellement. L'argent ne peut pas changer un enfant de Dieu. Rien ne peut changer un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il restera toujours enfant de Dieu. Vérifiez même vos langages à l'égard de vos frères. Un frère te parle. Mais les langages qui sortent de ta bouche sont des langages orgueilleux. Vous les repoussez. Un autre jour, il ne viendra pas te voir. Même si un frère te suit, qu'il a besoin de l'aide et que tu n'as pas question à lui donner, cela n'est pas synonyme de lui répondre insolemment. Non. Soyez courtois, frère. Ce n'est pas synonyme de lui répondre insolemment. Un chrétien Christ se caractérise par l'humilité. Regardez. Un autre type. Désorgueillé dans la présence de Dieu. C'était à sa présence. Prenons tous ensemble Luc 18. Luca, Kumi, Namnani. Sont désorgueillés en sa présence. L'orgueil finit toujours mal. Il y a même des frères, des sœurs qui sont orgueillés parce qu'il est dans une bonne famille. Ah, une famille aisée. C'est à manger. Ça les rend orgueillés. Il y en a qui sont. Parce qu'il a trouvé le mariage, il devient orgueilleux. Tout ce temps, il vivait bien avec les gens. Mais quand on le pousse, il devient orgueilleux. Elle devient orgueilleuse. Elle commence à répondre n'importe quoi. C'est comme si elle est arrivée déjà. Non! Soyez humble, frère. Même si tu as un peu de travail, tu n'avais pas d'emploi, tu étais un bon frère, tu étais un frère pour toi. Mais tu trouves que. Tu deviens un frère orgueilleux. Ça montre que tu ne croyais même pas bien. Tu trouves de l'emploi. Tu montes. Tu deviens grand. Parce que tu as trouvé de l'emploi. Oh, un frère qui dormait même au deuil des frères. Mais quand il a un peu d'emploi, d'argent, il ne dort pas au deuil. Il ne dort pas, il fait seulement s'asseoir. Il dit bon, il regarde à la montre. Orgueil. Il est temps. Ah, ça il orgueilleux. Il ne passe pas nuit au deuil des gens. Mais lui, quand il a deuil, il fait que les autres viennent passer nuit chez lui. Frère, ah, ça, c'est être malin. Un orgueilleux. Il ne veut même pas passer nuit au deuil des gens. Ah, il est orgueilleux. Il a l'argent, il a des moyens. Maintenant, il ne peut pas passer nuit là-bas. Je vais aller seulement m'asseoir et puis je rentre. Demain, j'irai au travail. Ah, les autres n'ont pas de travail. C'est l'orgueil. Il y a même des sœurs orgueilleuses. Avec leurs yeux. Ici pour écouter Dieu. Frère, donc, ces gens ici, abattoi. Au verset 10, écoutez, des hommes, abattoi, ils sont allés dans sa présence, abattoi, ils sont allés prier. Abattoi, il y a des frères qui viennent prier, abattoi, mais il a dans lui l'orgueil. Abattoi, il y a des sœurs qui viennent prier, abattoi, mais en lui, abattoi, il y a l'orgueil. Il est orgueilleux, mais qui prie. Différence, il y a qu'il est orgueilleux, mais on me connaît ça. Ah, ben il est orgueilleux, mais on me connaît pas. L'église et les autres sont des orgueilleux païens. Il y a du orgueilleux, on me connaît ça. Elle est orgueilleuse de l'église. Na ma ombie, on a omba. Et quand elle prie. Na ma gêne, on a faim. Elle fait même des gênes. Mais qui pourrit ça. Mais orgueilleuse. Il y a du n'a qu'à voir là. Très têtu, c'est elle qui sait payer les choses. Il y a du n'a qu'à pika. C'est elle qui sait payer les choses. Les autres, elles ne savent pas préparer. Moi, quand j'étais préparé les choses, ah, tu mens, kiburi. La Bible dit, ah, quelqu'un doit pas te louer, pas ta propre bouche. Des hommes montèrent au temple pour prier. Ici, on n'a pas dit qu'ils sont partis au marché. Alors, on n'a pas dit qu'ils sont partis au collège ou bien à l'école. Ils sont partis au temple dans sa présence pour prier. Mais observez mes frères. Ils sont allés au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Nous avons même des frères aujourd'hui de religieux. On va parler de ça. Des religieux. C'est-à-dire, il dit, ils sont allés prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Les pharisiens, dans sa présence, dans l'église, dans la présence de Dieu, c'était sa prière. Frère, quand vous voulez prier, contrôlez même vos paroles. Soyez respectueux dans vos paroles. Soyez humble. Montrez votre petitesse au lieu de montrer votre grandeur. Les pharisiens debout, ils priaient ainsi à lui-même. Ils disaient, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Est-ce que vous êtes là? Je te rends grâce. Peut-être que je ne suis pas comme les restes des hommes. Moi, je suis bien. Moi, je suis élevé. Maintenant, il dit, il avait même son ami à côté qui priait aussi. Il dit, je te rends grâce. Ça, c'est la prière en sa présence. Il dit, je te rends grâce. Peut-être que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injuste, adultère, ou même comme ces publicains. Il cite son frère dans sa présence. Il cite sa soeur dans sa présence. Il y a même des frères, il y a même des soeurs dans l'église. Quand on prêche, au lieu de prendre sa prédication, quand on prêche, lui il pense à son frère. Quand il dit amen, ce n'est pas son amen. Il dit à la chikia, nous ne venons pas prendre de la parole pour les autres. Moi, je viens prendre ma part. Quand je viens à l'église, je dis, Seigneur, parle-moi. Oui, je viens pour prendre la part de son frère. Il y a la femme qui dit, amen. C'est ce qui m'a fait hier. Tu viens où est-ce que j'ai connu? Toi, tu es complet. Il est avec son ami. Il dit, moi, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injuriés, injustes. Maintenant, il dit, je ne suis même pas comme ces publicains qui sont à côté de moi. Moi, je vote Moukanis à Moé. Vous chantez ensemble. C'est moi, je ne suis pas comme celui qui est à côté de moi. Mais moi, je gêne deux fois par semaine. Mais lui ne gêne pas. Lui ne fait rien. Quand il dit ça, il dit moi, je jeûne deux fois par semaine. Ce n'est pas qu'il était en train de parler. Il priait. Il parlait à Dieu dans sa présence. Bien aimé, dans sa présence. Faites attention à ce que tu fais. Il priait. Il dit moi, je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Il y a des frères. Même si tu payes la dîme, si tu es orgueilleux, tu as une chose maudite en toi. Un frère orgueilleux, parce qu'il donne son argent aux hommes de Dieu, parce qu'il donne, il achète des vestes à son pasteur, au prédicateur. Maintenant, ça lui fait, ça lui donne le droit d'être orgueilleux. Tu ne crois pas, frère? Tu as une chose maudite, l'orgueil. C'est quelque chose de maudite. Quand un frère vient chez toi, il faut l'accueillir avec tout le respect d'un enfant de Dieu. N'oubliez pas, dans la parole de Dieu, la parole de Dieu dit, celui qui reçoit un juste, il ne s'arrête pas là. Il dit en qualité de juste. Si tu ne le reçois pas en qualité de juste, tu ne recevras pas la récompense de juste. Même un serviteur de Dieu, la Bible dit, celui qui reçoit serviteur en sa qualité. Il y a aussi la qualité de recevoir comme serviteur de Dieu. Tu recevras la récompense de serviteur. Mais si tu es orgueilleux, maintenant il dit, lui il dit, je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Moi, je paye mes dîmes. Moi, je jeûne. Moi, je ne suis pas comme celui-ci. Lui ne fait rien. dans sa présence, une prière pareille. Maintenant, l'autre aussi, à côté, on nous montre aussi sa prière. Il dit, les publicains s'étaient à distance. Ils s'étaient éloignés même. Ils s'étaient inclinés. Ils n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais il disait à lui-même, il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Qui suis un pécheur. Dans sa présence, on se reconnaît pécheur. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis pas dit, je suis un pécheur. Maintenant, le Seigneur conclut. Il dit, je vous l'ai dit. Ça, c'est le Seigneur. Il dit, je vous l'ai dit. Celui-ci, celui qui s'est montré, il descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Pourquoi? Dans sa présence, car quiconque s'élève dans sa présence sera abaissé. Et celui qui s'abaisse dans sa présence sera élevé. Alléluia! L'orgueil ne sert à rien. Tous les jours, quand un frère n'a rien, il aime, il est bien. Quand il commence à avoir un petit rien, je vous ai dit hier que Ozias était mort. Qu'est-ce qui a tué Ozias? Lisons cela. Ozias, c'était un bon roi. Il a accédé au trône à l'âge de 16 ans. Il craignait Dieu. Il ne voulait pas le mal. Il s'est éloigné. Parce que vous savez vous-même, en Israël, pour que ton trône prospère, il fallait craindre Dieu. Et Ozias était un jeune roi. Mais craignant Dieu, il a suivi les traces de son père Amatia. Oui, il était un bon monsieur. Craignait Dieu. Il ne voulait pas le mal. Oui, il a enlevé tout ce que Dieu ne voulait pas là-bas. Mais observez, qu'est-ce qui s'est passé? Ce roi, tant qu'il craignait Dieu, il prospérait. Dieu le bénissait. Il allait de l'avant. Son royaume était béni. Sa maison était bénie. Du fait qu'il était même à côté du prophète, il bénéficiait des visions du prophète. Sa maison était bénie. Son peuple prospérait. Son royaume prospérait. Mais quand Dieu l'a béni, verset 16, deuxième chronique, 26, 16, écoutez maintenant. Mais lorsqu'il fut puissant, Dieu l'a béni. Son royaume a grandi. C'est accru. Il est devenu puissant. Il est devenu sûr. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. L'élévation parfois commence quand quelqu'un, Dieu l'est béni. Même dans l'église, quand Dieu bénit un ministère, faites attention. Quand Dieu bénit un don, tu commences à bien chanter. Tu joues bien. C'est là qui commence aussi l'élévation. Tu étais conducteur. Tu ne savais pas bien chanter. Mais quand tu commences à bien faire les choses, fais attention. L'orgueil peut commencer là-bas. Tu étais un bon conducteur. Tout le monde t'aimait. Quand Dieu venait l'église, les membres de l'église, les membres commencent à aller de l'avant. Même toi, pasteur, fais attention. L'orgueil peut commencer. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il entra dans le temple, dans sa présence. Lui qui était roi, il était censé garder son royaume. Il est entré dans le temple pour brûler les parfums sur l'autel des parfums. Un travail exclusivement réservé aux sacrificateurs. Frère, si tu n'es pas appelé à prêcher, ne prêchez pas. Si tu n'es pas médecin, ne soignez pas les gens. Laissez la médecine aux médecins. Laissez la prédication aux prédicateurs. Frère, si tu n'es pas appelé à prêcher, ne prêche pas. Ozias c'était un bon roi. Il était aimé. Il craignait Dieu. Mais quand il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Il est entré dans le temple. Aujourd'hui, l'orgueil vient de la satisfaction. Hein? Il est diacre. Insatisfait de sa position. Il est associé. Insatisfait de ce qu'il est. Il est administrateur. Insatisfait. Ça peut amener l'orgueil. C'est ce qui, l'orgueil a commencé depuis le ciel. Satan, qui était Lucifer, l'ange de lumière, qui était insatisfait de ce qu'il était. L'institution l'a conduit à l'orgueil. Il a commencé à dire, moi, je monterai, je ferai. Enlevez les GGG. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tu n'as rien reçu si ce n'est de Dieu. Si tu connais bien travailler, c'est Dieu qui t'a fait ça. Si tu es un bon médecin, c'est Dieu qui t'a fait ça. Si tu es un bon prédicateur, c'est Dieu qui t'a fait ça. Si tu es un bon conducteur, c'est Dieu qui t'a fait ça. Reconnaissez Dieu en toutes choses. Ne soyez pas orgueillants à présent. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est la vérité. Il entra dans le temple pour brûler le parfum sur l'autel des parfums. Frère, il a laissé son travail. Il a laissé son travail de roi. Mais aujourd'hui, moi, ça m'étonne. Nous, on ne connaît pas les médecins. On ne s'ingère pas dans la médecine. Mais pourquoi vous n'avez pas de médecine? Vous voulez vous ingérer dans la médecine? Ce n'est pas bien. Restez dans ce que Dieu vous a donné. Si tu es mécanicien, restez mécanicien. Tu es choriste. Tu seras béni quand tu chantes. Si toi tu es ménager, tu seras béni dans ça. Nous aussi les prédicateurs, nous allons rester dans notre travail. Nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes. Non. Nous ne prêchons pas pour être vus des hommes. Nous prêchons parce que Dieu nous a mandatés. C'est notre travail. Ça c'est l'évangile du royaume. Ozias a laissé son trône. Il est entré dans les temples pour faire un travail qui ne lui appartenait pas. Si Dieu ne t'a pas appelé à prêcher, ne prêchez pas. À moins que Dieu t'appelle à faire ça. Et celui que Dieu appelle à le faire, il lui donnera ce qu'il faut dire à son peuple. Ah, ça c'est l'évangile du royaume. Ça c'est la vérité. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu t'es appelé toi-même. Nombreux aujourd'hui, parce que c'est un enseignant à l'école, il sait bien ranger le coup, il veut préparer le coup. Il dit même la préparation, il veut préparer. Mais Dieu ne t'a pas appelé. Si Dieu ne t'a pas appelé, arrête. Tu vas commencer à prendre tes propres histoires, tu nous amènes. Regardez ici. Il s'éleva. Il entra dans le temple pour brûler les parfums sur le tête des parfums. Maintenant, regardez ici. Il est entré dans le temple pour faire un travail qui ne lui appartenait pas. Dans sa présence, dans l'église, chacun doit garder sa place. Mais vous êtes là, vous êtes là. Vous les choristes, gardez votre place. Conducteur, gardez ta place. Chunga fazi yako. Diacre, gardez ta place. Chunga fazi yako. Berger, gardez ta place. Chunga fazi yako. Chacun doit garder sa place. Pas chunga fazi yake. L'insatisfaction amène l'orgueil. Kosa kufurahi wa joko aleta kiburi. Ce qui a même mis des troubles dans l'église. Maintenant, écoutez. Le sacrificateur Azaria. Il y a des hommes de Dieu vraiment courageux. Aujourd'hui, ça nous tolère. Les hommes tolèrent même le mal. Au nom de Dieu. Ah non. C'est dans leur groupe. C'est lui. Il disait au roi. Il n'a pas eu peur. Le secrétaire Azaria. Mukoane Azaria. Le secrétaire Azaria. Mukoane Azaria. Entra après lui. Akamufuata mu. Avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Nabakoane makumi. 80 sacrificateurs. C'est-à-dire plus Azaria qui était à la tête. Na Azaria ou la kumbele. C'était 81 sacrificateurs. 81. La Bible les appelle hommes courageux. Batu Baudari. La Bible les appelle les hommes courageux. Celui-là c'était un roi. Il avait tout le pouvoir. Même de les mettre en prison, même de les arrêter. Mais Et il savait que ça c'est notre travail. Nous devons lui dire la vérité. Léo, nous avons besoin d'avoir tout mis sur la courage. Ils n'ont pas venu présenter. Vous voyez, laissez un peu. Tu n'as pas le droit. Ozias. D'offrir des parfums à l'Éternel. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton travail. Tu n'as pas ces droits. Ces droits ne t'appartiennent pas. D'offrir des parfums. Non. Ces droits appartiennent au sacrificateur. Fils d'Aaron. Qui ont été consacrés pour les offrir. Et ils n'ont pas arrêté là. Ils ont dit à Ozias. Maintenant, ici c'est chez nous. C'est notre travail. La chair. C'est notre travail. Sors maintenant du sanctuaire. Avant que vous m'embêchez, vous savez que vous vous calmez, vous voyez la ville. Faire plaisir à celui qui nous a appelés. Ils n'ont pas dit, comme tu es roi, tu vois, non, sors du sanctuaire. Voilà les hommes courageux que tu as besoin, qui appellent chaque par son nom. Aujourd'hui, Léo, nous avons un problème. Si vous voyez un relâchement au sein de l'église, c'est qu'à la chair, il y a un relâchement déjà. Même si vous ne dites pas Amen, c'est la vérité. Ça, c'est l'évangile du royaume. Si vous voyez dans l'église, il y a un relâchement. Les gens font n'importe quoi. C'est qu'il y a une négligence à la chair. Mais Dieu a besoin des hommes courageux. Des hommes capables, courageux, capables de citer un chef par son nom. Même si tout le monde abandonne la parole, c'est pourquoi l'autre a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ils ont dit Ozias, sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas ton honneur devant l'Éternel. Ça ne va pas te tourner en honneur. Ça ne va pas te donner du respect. Tu es un roi. Respecte ta place. Fais là-bas. À ton royaume. Tu te trouves. Ici. C'est notre place. Sors. La Bible dit. La colère s'empara d'Ozias. Qui se croyait comme si il était sur son trône pendant qu'il était dans sa présence dans la maison de l'Éternel, là où il y a des gens consacrés pour ce travail. Il se croyait être dans son royaume, il se croyait être sur son trône. La colère s'est emparée d'Ozias, il avait un ascenseur à la main. La colère s'empara d'Ozias qui tenait un ascenseur à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, il voulait jeter l'ascenseur. La lèpre a éclaté sur son front. Dans sa présence, le roi est devenu un roi répleux. Depuis lors, il voulait jeter, il s'irritait, il s'est fâché dans sa présence. Dieu n'a pas besoin de s'orgueiller en sa présence. Dieu n'a pas besoin de gens qui n'écoutent pas les conseils. Tous les frères qui n'écoutent pas les conseils sont orgueillés. Tous les frères qui s'opposent à la parole de Dieu sont orgueillés. Un enfant de Dieu véritable, ce n'est pas celui qui ne commet pas d'erreurs, mais un véritable enfant de Dieu qui commet aussi l'erreur. Si on lui présente la parole, il arrête l'erreur, il s'allie à la parole de Dieu. Voilà un véritable enfant de Dieu. Il est humble. Il est prêt à abandonner sa volonté pour la volonté de Dieu. Lui s'est irrité. Il a saisi l'ascenseur. Il dit, je vais jeter. Quand il voulait faire ça, la lèpre a éclaté sur son front. Et vous savez quoi? dans sa présence. Mopiake. Dans sa présence. Mopiake. On ne s'enorgueille pas. Afaya kiburi. Le roi est devenu lépreux. Fan encore Bukoma. Les lépreux. On les écarté de tous les autres frères. Pour la contamination. Et le roi est écarté jusqu'à sa mort. Pourquoi? Enorgueillé, un homme qui ne sait pas garder sa place, un homme qui ne se respecte pas. Dans sa présence, mes frères, mes sœurs, la Bible dit, dans Jérémie, chapitre 13, au verset 15, la Bible dit, ne soyez, prêtez l'oreille, écoutez, et prêtez l'oreille, ne soyez pas orgueilleux, car l'Éternel parle. Jérémie 9, verset 23, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas ainsi dit l'Église, ce n'est pas ainsi dit l'Évangéliste, ce n'est pas ainsi dit les pasteurs, ainsi parle l'Éternel, parce que ce que dit un homme peut le changer, ce que dit un homme, il peut le nier, mais ce que Dieu a dit, le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais, il dit, qu'elle est fort. Ne se glorifie pas de sa force. Quel est riche? Mutajiri. Ne se glorifie pas de sa richesse. Utajiri yake. Oui. Dio. Quel est intelligent? Wakiri. Ne se glorifie pas de son intelligence. Mais si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir fort de l'intelligence et de me connaître moi l'Éternel. Quelqu'un qui a Dieu, il marche avec fierté parce qu'il a Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Dans sa présence, il faut vous approcher avec du respect et de l'humilité. Et mettez-vous au travail. Travaillez pour votre salut. Avec humilité. Avec crainte. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.